Et est-ce que vous saviez que vous alliez être appelé en Algérie à ce moment-là? Eh bien, c'est-à-dire qu'on s'en doutait un peu parce que ça, ça tellement... On avait toujours espoir que ça finisse, mais au bout de tant de mois, on s'est dit, on ne va pas y rater. Puis quand il est arrivé le jour où il fallait partir,